on the left-hand side of the entrance, the judgment side of the entrance to heaven. Ça c'est pourquoi vous voyez l'écran du côté gauche de l'entrée du ciel. But let me bring it to another level. Laissez-moi vous emmener à un autre niveau. When the church has been raptured into heaven. Quand l'église a été enlevée au ciel. What happens to the church during the wedding supper of the Lamb of God? Qu'est-ce qui va arriver à l'église pendant le festin de noces? The two wedding rings. Les deux anneaux de noces. And the white horse above the wedding ring. Et le cheval blanc au-dessus des anneaux de noces. And we know that when he's seated on that white horse. Nous savons que quand nous voyons ce cheval blanc. He is a judge. Il est un juge. He is a fighter. Il est un combattant. He is a judge. Il est un juge. That is what he meant by saying all authority has been given him to judge. Ça c'est ce qu'il pensait en disant toute autorité lui a été donnée pour juger. This is a mighty revelation. You want to write it down? C'est une révélation énorme. Vous devriez l'inscrire, le relever. The ones that fail to make it into the rapture. Ceux qui n'auront pas été enlevés. Have already been judged. Ont déjà été jugés. Because they will go through the tribulation. Parce qu'ils iront à la tribulation. And some of them will be beheaded. They will be tribulated tremendously. Quelques-uns d'entre eux vont être décapités et ils vont être persécutés d'une manière très grande. And then the ones who are under the dust of the earth. Et ceux qui sont dans la poussière de la terre. The ones who have not been resurrected on the day of the rapture. Ceux qui n'ont pas été ressuscités le jour de l'enlèvement. They too have been judged. Ils ont eux aussi été jugés. And they are waiting for their 1,000 years for the second resurrection. Et ils attendent pendant 1,000 ans pour la seconde résurrection. That's why you want to make sure you are in the first resurrection if by any chance something happens that you die before the rapture. C'est pourquoi il faut que vous soyez sûr d'avoir part à la première résurrection si par hasard ça vous arrivait de mourir avant l'enlèvement. How about the church that has entered into the wedding supper of the Lamb of God through the entrance the Father showed me? Comment à propos de l'église qui est entrée pour le festin de noces de l'agneau de Dieu à travers l'entrée que le Père m'a montrée. And you see that he put the wedding rings at the entrance of heaven. Et vous voyez qu'il a placé les anneaux de noces à l'entrée des cieux. And when he was sure now he has caught my attention and I'm watching at the wedding rings. Quand il était sûr qu'il a attiré mon attention, et alors je suis en train de regarder attentivement les anneaux de noces. And then what he does, he begins to flip them like this, to show me all the sides and the decorations. Et après, il a commencé à les tourner, à les pencher comme ça, et pour me montrer toutes les côtés et la décoration. For the Father to do that, that's a lot of love. Pour que le Père le fasse, ça montre qu'il a beaucoup d'amour. He is loving the church. Il aime l'église. But he's also saying, look, the wedding rings are ready. They are ready. Mais il est aussi en train de dire, regardez, les anneaux de noces sont prêts. But the white horse is above. Mais le cheval blanc est au-dessus. So you begin to understand that the only entrance to heaven is through the rapture. Alors vous avez besoin de comprendre que la seule entrée dans les cieux, c'est par l'enlèvement. You want to make sure that you are part of the rapture. Et il faut que vous soyez sûr de faire partie de cet enlèvement. The tribulation will be tremendous. Only very few can make it there. La tribulation va être énorme et très peu vont pouvoir traverser cela. Besides, he will send his spirit. Par ailleurs, il veut envoyer son esprit. Okay. To confuse the few Christians that will refuse to wear the mark of the beast. Pour confondre le peu de chrétiens qui refuseront d'accepter la marque de la bête. But when the church enters into the wedding supper of the Lamb of God. Mais quand l'église entre au festin de noces de l'agneau de Dieu. The church also enters into another form of judgment. L'église aussi entre dans une autre forme de jugement. The book of Revelation chapter 22. le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, he says, "Behold, I am coming soon." Il dit, voici, je viens bientôt. My reward is with me. Ma récompense est avec moi. And I'll give to everyone according to what he has done. Pour rendre à chacun selon son œuvre. And that way the Lord was talking about coming with gifts. De cette façon, le Seigneur était en train de parler à propos de venir avec des présents. To give different people differently. Pour les donner à différentes personnes d'une manière différente. That is now the judgment that the rapture church in heaven has to go through. Ça c'est maintenant le jugement que l'Église enlevée aux cieux a à traverser. That means every single Christian that enters into heaven during the rapture. Ça signifie que chaque chrétien qui entre au ciel à travers l'enlèvement must present himself before the judgment seat of Christ. Doit se présenter lui-même devant le trône de jugement de Christ. Again, let me repeat this. Encore, laissez-moi le répéter. Every Christian who makes it through the rapture, ça signifie que chaque chrétien qui est enlevé, the church that makes it into the rapture, l'Église qui est enlevée, must present herself before the judgment seat of Christ. Doit se présenter elle-même devant le trône de jugement de Christ. I remember in 2003, je me souviens en 2003, when the Lord lifted me up into heaven, quand le Seigneur m'a élevé dans les cieux, and he brought me right before the judgment seat of Christ. Et il m'a amené juste devant le trône de jugement de Christ. These we have not shared because the opportunity has not come up. Ceci je ne l'ai pas partagé parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité de le faire. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, précieux peuple. And that is why the casing for the wedding rings was placed on the left-hand side of the entrance to heaven. C'est pourquoi l'écrin des anneaux était placé à gauche de l'entrée des cieux. And that is also why the wedding rings had the white horse. C'est pourquoi les anneaux de noces avaient le cheval blanc. When he sits there, he's a judge. Quand il est assis là, il est un juge. The white horse above the wedding rings. Le cheval blanc au-dessus des anneaux de noces. The two wedding rings. Les deux anneaux de noces. And the white horse is above them, running from one side of the sky to the other. Les anneaux de noces et le cheval blanc est au-dessus, courant d'un côté à l'autre du ciel. That means even the church that wears this ring. Ça signifie que même l'Église qui met cet anneau has to be judged because when he's on that horse, he is a judge. A à être jugé parce que quand il est sur ce cheval, il est un juge. That is a revelation on the perfection of the bride of Christ. Ça, c'est une révélation de la perfection de l'épouse de Christ. That means you cannot say now, I think I'll make it in the rapture, let me just do anything I want within this life I'm leading, which is holy. Ça signifie que vous ne pouvez pas dire, maintenant, je pense que je vais être enlevé, laissez-moi faire tout ce que je désire dans cette vie que je mène. Qui est sainte? No, that means you need to aspire for another level so you may receive a different reward from everybody else. Ça signifie que vous avez besoin d'aspirer à un autre niveau. Alors vous pouvez recevoir une différente récompense qui n'est pas pareille à celle de n'importe qui d'autre. And when you look at the casing for the wedding ring, the inside is red. Quand vous regardez l'écrin des anneaux de noces, à l'intérieur, c'est rouge. And when the father places the casing to the wedding ring, he places it on the left-hand side of the entrance to heaven. Quand le père place l'écrin des anneaux de noces au côté de la main gauche de l'entrée des cieux, and that becomes a shell because the wedding rings he removed already and he broke them apart. Et ça devient une coquille parce qu'il a déjà enlevé les anneaux de noces et les a séparés. And that represents the empty earth that is a shell that has no church. Et ça représente la terre vide, que c'est une coquille qui n'a pas d'église, que la terre vide représente une coquille qui n'a pas d'église, qui n'a plus d'église. Because one wedding ring represents the church. Parce que un anneau de noces représente l'église. And the other wedding ring represents Christ, the Holy Spirit. Et l'autre anneau de noces représente Christ et le Saint-Esprit. So that means when the church is taken away, ça représente que quand l'église est enlevée, and the Holy Spirit is taken away, et que le Saint-Esprit est aussi enlevé, then the earth remains an empty shell, et la terre devient une coquille vide. And darkness covers the earth, et les ténèbres viennent sur la terre, and tribulation, judgment enters the earth, et la tribulation, le jugement vient sur terre. But the lining of the inside of the casing is the blood of Jesus, red. Mais la doublure à l'intérieur de l'écrin est le sang de Jésus, rouge. And still placed at the left hand side of the entrance to heaven. Et est encore placé du côté de la main gauche de l'entrée des cieux. That means even the church that is washed of the blood of Jesus. Ça signifie que même l'église qui a été lavée par le sang de Jésus, that has made it into the rapture, qui a été enlevée, is still going through judgment, est encore en train d'aller au jugement, presenting herself, se présentant elle-même before the judgment seat of Christ, devant le trône de jugement de Christ, and receiving different rewards according to what everybody did, et reçoit des récompenses différentes selon l'œuvre de chacun. According to what you did, you receive a different reward. D'après ce que vous avez fait, vous recevez une récompense différente. That is a very special calling to Christians at this time when the rapture is right at hand. C'est un appel très spécial aux chrétiens de ce temps où l'enlèvement est si proche. Which means we need to strive for higher and higher rewards. Ce qui signifie que nous devons nous efforcer, faire des efforts pour de plus en plus hautes récompenses. There will be nothing physical in heaven. Il n'y aura rien de physique au ciel. Heaven is a spiritual kingdom. Le ciel est un royaume spirituel. The gifts that you are going to be given, the rewards are going to be spiritual. Ça signifie que les dons que vous allez recevoir, les récompenses, seront spirituels. And yet we know that after the rapture is when we are now restored. Et maintenant nous savons que après l'enlèvement, c'est quand nous sommes maintenant restaurés. So we can fellowship with Christ. Alors nous pouvons avoir une communion avec Christ. That begins to tell you. Ça commence à vous dire. That when the book of Ephesians and 1 Corinthians says. Quand le livre des Éphésiens et 1 Corinthiens dit, that the Lord Jesus is exalted above the higher heavens, que le Seigneur Jésus est élevé au-dessus des plus hauts cieux. You begin to wonder now. Vous commencez à vous étonner maintenant. How about the people in the lower heaven? Will they be fellowshipping with the Lord at the same level like the people in the higher heavens? Comment les gens dans le ciel plus bas pourront-ils entrer en communion avec le Seigneur au même niveau que les gens des plus hauts cieux? Remember, the rewards are spiritual rewards. Souvenez-vous qu'il y a une récompense spirituelle. And they are translated in close fellowship with Christ. Et elles sont traduites en proche communion avec Christ. Able to be very close to Christ. La faveur d'être très près de Christ. And fellowship with him even in heaven. Et communion avec lui même dans le ciel. And that tells you. Et ça vous dit. That what you want to do is to make sure that you will have a very very close fellowship with Christ. Que ce que tu aimerais faire, c'est d'avoir une très proche relation avec le Seigneur. And I want to read John chapter 12. Et je désire lire dans Jean chapitre 12. Verses 28 and 29. Les versets 28 et 29. I'm emphasizing the fact that it's important to be able to hear the voice of the Son of Man. Et je souligne le fait qu'il est important d'entendre la voix du Fils de l'homme. So you can make it into the rapture. Alors vous pouvez être enlevé. He said, Father, glorify your name. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Then a voice came from heaven. Et une voix vint du ciel. I have glorified it. Je l'ai glorifié. And I'll glorify it again. Et je le glorifierai encore. Verse 29 said, the crowd that was there and heard it said, it had thundered. Le verset 29 dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Then others said an angel had spoken to him. D'autres disaient, un ange lui a parlé. And he said, this voice was for your benefit, not mine. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Now is the time of the judgment of the world. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. But listen to me, precious people. Mais écoutez-moi, précieux peuple. You see very clearly that Jesus was with some people. Vous voyez très clairement que Jésus était avec quelques personnes. But when the voice came from heaven, the Father spoke. Mais quand la voix est venue du ciel, le Père qui parlait, only Jesus was able to hear what the Father said. Seul Jésus était capable d'entendre ce que le Père a dit. That is the same thing we see with Saul on his way to Damascus. C'est la même chose que nous voyons avec Saul sur le chemin de Damas. Saul is able to hear. Saul est capable d'entendre. And nobody else hears. Et pas d'autres oreilles. And in the book of Daniel. Et dans le livre de Daniel. Chapter 12. Chapitre 12. He says at that time Michael the great prince who protects your people arise. Il dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of the nations. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent. But at that time, your people, everyone whose name is written in the book, will be delivered. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Multitudes who sleep in the dust of the earth. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre will awake. Se réveilleront. Some to everlasting life. Les uns pour la vie éternelle. And others to shame and everlasting contempt. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Those are the two resurrections we talked about. Il s'agit de deux résurrections dont il parle. And so it's very, very important. Et alors, c'est très, très important. That you recognize that the day of the rapture ushers in the judgment that is coming on the earth. Que vous reconnaissiez que le jour de l'enlèvement introduit le jugement qui vient sur la terre. I want to look at the two rings, why the Father had to break them. J'aimerais examiner les deux anneaux, savoir pourquoi le Père les a séparés. Remember during the last supper. Souvenez-vous, durant le dernier repas, the Lord, he took bread, le Seigneur a pris du pain and he gave thanks. Et il a remercié. And then he broke it, ensuite, il l'a rompu and he gave it to them. Et le leur a donné. And he took again a glass of wine. Il a pris encore un verre de vin. After giving thanks. Et après avoir remercié. He told them, this is the cup of the blood of my covenant. Il a dit, c'est la coupe du sang de mon alliance. Do this whenever you drink. Faites-le. Et chaque fois que vous le buvez, faites-le en mémoire de moi. That was the pre-rapture covenant he was having with the church. C'était la pré-enlèvement alliance qu'il a eue avec l'Église. The covenant of his blood. L'alliance avec son sang. And his body being the bread that comes from heaven. Et son corps étant le pain qui vient du ciel. That if any man eats, will not die but live forever. Que si quiconque en mange ne va jamais mourir mais vivre pour toujours. The broken body. Le corps brisé. Releases the blood, which is the new covenant of the Lord. Communique le sang, qui est une nouvelle alliance avec le Seigneur. And that's why you see he is saying in other words. Et ça, c'est pourquoi vous voyez qu'il est en train de dire dans d'autres mots. The inner lining of the casing of the wedding ring is red, the color of blood. La doublure intérieure de l'écrin des anneaux de noces est rouge, la couleur du sang. But the rings are inside. Mais les anneaux sont à l'intérieur. And one ring represents the church. Et un anneau représente l'église. And the other one represents Christ. Et l'autre représente Christ. And yet the two rings. Et maintenant, les deux anneaux have become stuck. Sont collés. Purposefully they are stuck. Ils le sont. Ils sont collés pour une raison. In other words, the church that will wed my son Jesus. En d'autres mots, l'église qui va épouser mon fils Jésus. Is that church that maintained the pre-wedding covenant? C'est cette église qui garde la pré-alliance de mariage. During the last supper, during the Lord's supper. Pendant la dernière Pâque, pendant le souper du Seigneur. And at that time, that church fell in love with the Lord, and their hearts actually became one. Et en ce temps, cette église est tombée amoureuse du Seigneur. Et leurs cœurs véritablement sont devenus un. It's like two people being engaged. C'est comme deux personnes qui se sont engagées. Before marriage. Avant le mariage. And that means the woman and the man maintaining faithfulness, waiting for the day of the wedding. Et ça signifie maintenant la fidélité, attendant pour le jour du mariage. And that's why you see that the father has to break the ring. Et c'est pourquoi vous voyez que le Père a eu à séparer les anneaux. By the blood of Jesus, par le sang de Jésus, the two hearts are fused, the two rings are fused. Les deux cœurs sont liés ensemble, les deux anneaux sont aussi liés ensemble. But if you look at today's church, mais si vous regardez à l'église d'aujourd'hui, will she qualify to wear this wedding ring? Est-ce qu'elle sera qualifiée de mettre cet anneau de noces? Because she has to have a heart of Christ. Parce qu'elle doit avoir un cœur de Christ. In the same way to the servants. Que la même chose que les serviteurs. He says a servant of God should have the heart of Christ. Il est dit le serviteur de Dieu doit avoir le cœur de Christ. So he can lead the sheep even as Christ leads the sheep. Alors vous pouvez conduire les brebis comme Christ conduit les brebis. So you begin to understand. Alors vous commencez à comprendre that when the father presented the two wedding rings, que quand le Père a présenté les deux anneaux de noces, he surely gave a very strong message to the church. Il a certainement montré un très puissant message à l'Église. Because there is no way the church, parce qu'il n'y a pas de chemin pour l'Église, can have her heart fused, united with the heart of Christ, puisse avoir un cœur lié, uni au cœur de Christ. And yet Christ is a spirit, is spiritual. Et maintenant, Christ est un esprit, il est spirituel. And that church is physical. Et cette Église est physique, charnelle. Take it to another level. Prenez-le sur un autre niveau. He said that church must be a spirit-filled church. Il dit cette église doit être une église spirituelle. To maintain the faithfulness. Pour maintenir la fidélité. That makes her heart. Qui fasse que son cœur. The heart of Christ. Le cœur de Christ. And there's a lot more revelation you can share. Et il y a encore beaucoup de révélations que nous pouvons partager. So everything the Father does is very deep. Alors, tout ce que le Père fait est très profond. But again, most importantly, mais encore, pour le plus important, is that you walk in righteousness, c'est que vous marchiez dans la justice, and holiness, dans la sainteté, so you can be able to hear the voice of the Son of Man. Et comme ça, vous pouvez être capable d'écouter la voix du Fils de l'homme. Because if you fail to do so as a Christian, parce que si vous négligez de le faire en tant que chrétien, We are seeing that they are being beheaded. Nous avons vu qu'ils ont été décapités. Hallelujah, during the tribulation. Durant la tribulation. And you also see. Et vous voyez aussi. That the removal of the two rings. Que le déplacement des deux anneaux. Represents the removal of the church. Représente aussi le déplacement de l'église. And the removal of Christ. Et le déplacement de Christ. And so the empty shell is on the left-hand side of the entrance to heaven. Et alors la coquille vide est à, du côté gauche de l'entrée des cieux. In other words, when you remove the light of the world, the church. En d'autres mots, quand vous enlevez la lumière du monde, l'église. And remove the Holy Spirit. Et que vous enlevez le Saint-Esprit. The earth is empty. La terre est vide. That means there is no worshiping of the Lord. Ça signifie qu'il n'y a pas de possibilité d'adorer le Seigneur. Because there is going to be the abomination of the desolation. Parce que l'abomination de la désolation va arriver. The worshiping of the beast. L'adoration de la bête. That's why you see darkness then enters the earth. C'est pourquoi vous voyez que les ténèbres sont entrées sur la terre. We'll take an altar call. On va faire un appel à recevoir le Seigneur. But very soon there's going to be two missiles hit the nuclear facility in Iran. Mais très prochainement, il va y avoir deux missiles qui frappent la facilité nucléaire en Iran. Completely demolishes the nuclear facility completely. Qui va complètement démolir toutes les facilités nucléaires. The Father has shown me that. Le Père me l'a montré. And the Lord also took me in the spirit into Israel. Et le Seigneur aussi m'a emmené en esprit sur Israël. And he showed me the Israeli army preparing for war. Et il m'a montré l'armée d'Israël se préparant à la guerre. In their planes. Et il m'a montré les Israéliens dans leurs avions. To attack. Pour attaquer. But that war. Mais cette guerre. Is very important to the church. Est très importante pour l'Église. When the rapture takes place. Quand l'enlèvement prend place. And you hear about other Christians who have not been taken. Et que vous entendez à propos d'autres chrétiens qui n'ont pas été pris. What is the possibility that they enter heaven? Quelle est la possibilité pour qu'ils entrent au ciel? The entrance to heaven. L'entrée des cieux. And the two wedding rings are placed there. Et les deux anneaux de noces sont placés là. And the Father is flipping the wedding rings. Et le Père est en train d'incliner ses anneaux de noces. In other words, through these wedding rings. En d'autres mots, à travers ces anneaux de noces. Heaven is open. En d'autres mots, le ciel est ouvert. In other words, make sure you are in this wedding, the rapture. En d'autres mots, soyez sûr que vous fassiez partie de ce mariage. L'enlèvement. But what happens to the rest that have not made it into the rapture? Mais qu'est-ce qui va arriver à ceux qui n'ont pas été pris? Is there going to be a door open for them again? Est-ce qu'il va y avoir encore une porte ouverte pour eux encore? Or it is this one and final opening of the door. Ou bien est-ce que c'est celle-là et qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient ouvertes? Because I know many people. Parce que je connais beaucoup de personnes I've talked about the rapture church, qui ont parlé à propos de l'enlèvement de l'église and also the tribulation church. Et aussi de l'église de la tribulation. The tribulation church, l'église de la tribulation is the church that contains the 12 tribes of Israel. C'est l'église qui contient les 12 tribus d'Israël. And that's why I said, et c'est pourquoi j'ai dit when the floods came, quand les inondations arrivent, Noah survived the tribulation. Noé a survécu à la tribulation. And that was a prophecy about the tribulation church. Et ça, c'était une prophétie à propos de l'église de la tribulation. The 144,000. Les 144,000. Who come from the 12 tribes of Israel. Qui viennent des 12 tribus d'Israël. So how about you? Qu'est-ce qu'il en est de vous? How about when you miss the rapture? Qu'est-ce qui va se passer si vous manquez l'enlèvement? Book of Luke, chapter 13. L'évangile de Luc, chapitre 13. Verses 23 to 27. Les versets 23 à 27. We can even begin 22. Vous pouvez commencer avec 22. And this is what he says. Et c'est ce qu'il dit. Then Jesus went through the town and the villages, teaching as he made his way to Jerusalem. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? He said to them, il leur répondit, make every effort to enter through the narrow door. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Because many, I tell you, car je vous le dis, beaucoup will try to enter and will not be able to. Chercheront à entrer et ne le pourront pas. Once the owner of the house gets up and closes the door, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, you will stand outside knocking, et que vous, étant dehors, and pleading, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Sir, open the door for us. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. But he will answer, il vous répondra, I don't know you. Je ne sais pas d'où vous êtes. Or where you come from. Ou d'où vous venez. But when you will say, we ate and drank with you. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. And you taught in our streets. Et tu as enseigné dans nos rues. But he will reply, et il répondra, I don't know you. Je ne vous connais pas. Or where you come from. Je ne sais d'où vous êtes. Away from me, all you evildoers. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. This is a very important lesson to the church. Ça, c'est une leçon très importante pour l'Église. That you need to make sure you enter through the rapture. Que vous avez besoin d'être parfaitement sûr que vous entrez à travers l'enlèvement. The door will be shut. La porte va être fermée. After the rapture. Après l'enlèvement. In the book of Matthew, chapter 25. Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verses 1 to 13, les versets 1 à 13, and you see that the Lord is talking about the wedding banquet, the rapture, et vous voyez que le Seigneur est en train de parler du banquet de noces, l'enlèvement, and he's talking about the 10 virgins, et il est en train de parler des 10 vierges, 5 of them wise, 5 d'entre elles sont sages, and five were foolish. Et 5 sont folles. And then you see that the wise ones. Et vous voyez que les sages. After they entered. Quand elles sont entrées. The door was shut. La porte est fermée. What is amazing is that the other five, when they came back. Ça c'est étonnant de voir que les autres, quand elles viennent. Then he said. Et ensuite il dit. To tell you the truth. Je vous dis la vérité. I don't know you. Je ne vous connais pas. That is a sign that you should make sure you enter in through the rapture of the church. Ça c'est le signe qui vous montre que vous devez être sûr que vous entrez à travers l'enlèvement. Don't gamble around with the tribulation. N'allez pas à travers la tribulation. Because tribulation is not a joke. La tribulation n'est pas une plaisanterie. There will be a lot of martyrdom. Il y aura beaucoup de martyrs. Alléluia. Alléluia. Again, let us see Hebrews chapter 6. Regardons Hébreux chapitre 6. Verses 46. Les versets 4 à 6. What does it say about the door to heaven? Qu'est-ce qu'il est dit à propos de la porte du ciel? And this is what he says. Voilà ce qu'il dit. It is impossible. C'est impossible. For those who have once been enlightened. Que ceux qui ont été une fois éclairés. That is the Christians. Ça c'est les chrétiens. Who have tasted the heavenly gift. Qui ont goûté le don céleste. Alléluia. Alléluia. Who have shared in the Holy Spirit. Qui ont eu part au Saint-Esprit. Who have tasted the goodness of the Word of God. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. And the powers of the coming age. Et les puissances du siècle à venir. If they fall away. Si ils tombent. It is impossible to be brought back to repentance. C'est pas possible pour eux d'être renouvelés et d'être amenés à la repentance. Because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. And they are subjecting him to public disgrace. Et l'exposent à l'ignominie. That tells you. Ça vous dit. If you as a Christian will not make it. Si vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas enlevé. You receive the Lord. Vous recevez le Seigneur. And then you recycle back to sin. Et enfin, après vous retournez en arrière au péché. Hence be like the five foolish virgins. Donc c'est comme les cinq vierges folles. Who received the Lord. Qui ont reçu le Seigneur. But did not carry the oil. Mais qui n'ont pas porté leur huile. That means they did not prepare themselves in holiness. Ça signifie qu'elles ne se sont pas préparées elles-mêmes à la sainteté. Then it says there is no more sacrifice for sin that is left. Parce qu'il dit qu'il n'y a plus de sacrifice qui reste encore. They cannot be brought back to repentance. Ils ne peuvent pas revenir à la repentance. The same book of Hebrews chapter 10. Dans le livre de Hébreux chapitre 10. It says you the Christians. Il dit vous les chrétiens. If we deliberately keep on sinning. Si vous délibérément continuez dans le péché. After we have received the knowledge of the truth. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. No sacrifice for sins is left. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. But only a fearful expectation of judgment. Mais une attente terrible du jugement. And of raging fire. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. That will consume the enemies of God. Qui consumera les ennemis de Dieu. So you see, it is very critical you make it through the rapture. Alors vous voyez que c'est tellement important que vous soyez enlevé. Because what you're seeing here is that if you are a Christian. Parce que ce qu'on voit ici, c'est si vous êtes un chrétien. And you fail to make it through into the rapture. Et que vous manquez d'être enlevé. You'll go into the judgment that will touch the enemies of God. Vous allez aller à travers le jugement qui va toucher les ennemis de Dieu. The Lord is using that. Le Seigneur utilise cela to emphasize the urgency with which you need to prepare. Pour mettre de l'importance à l'urgence avec laquelle vous devez vous préparer. And also emphasizing that receiving the Lord is a one-way ticket. Et aussi en mettant de l'importance en recevant le Seigneur, c'est un ticket simple course. Receive him and stay in there. Recevez-le et restez là. If you fall back, si vous revenez en arrière, then you will not have any repentance that is able to be brought to you. Vous n'aurez plus aucune repentance qui sera capable de vous amener. Or you will not have any sacrifice for sins left for you. Ou vous n'aurez plus aucun sacrifice pour le péché qui restera pour vous. If you know that if the rapture took place today, you would not make it. Si vous savez que l'enlèvement va prendre place aujourd'hui et que vous ne serez pas pris, then please repeat this prayer with me. Alors, s'il vous plaît, répétez cette prière avec moi. If you are ready to receive the King of Glory. si vous êtes prêt à recevoir le roi de gloire. The mighty Lord Jesus. Très puissant Seigneur Jésus. I am receiving you right now. Je te reçois juste maintenant. To be my Lord and my Savior. Pour être mon Seigneur et mon Sauveur. I know there are two wedding rings in the sky. Je sais qu'il y a deux anneaux de noces dans le ciel. I would love to wear one of the wedding rings. J'aimerais pouvoir mettre un de ces anneaux, anneaux de noces. So Jesus. Alors, Jésus, forgive all my sins. Pardonne tous mes péchés. And fill my heart. Et remplis mon cœur. With your Holy Spirit. Avec ton Saint-Esprit. Write my name, Jesus. Écris mon nom, Jésus. In the book of life. Dans le livre de vie. Of the Lamb of God. De l'agneau de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I have prayed. J'ai prié. Read the Bible. Avec la Bible. And make sure that you also receive the Holy Spirit after baptism. Et soyez sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit après le baptême. Shalom and may the Lord bless you. Shalom et que le Seigneur vous bénisse.